rire. Un sentiment nouveau, une vraie histoire. Suis donc mes idéaux, je n'ai rien de plus que la plupart de mes rivaux. Mais je serais aimé si t'es digne de mon niveau. Ne fais pas la belle quand je fais la gueule. Et si je tombe, ne fuis pas quand j'appelle à l'aide. Tu rêves une histoire comme dans les contes de fées. Sache que porter ma fierté, c'est mieux crouler en fée. Je suis le même, je reste digne, même en temps de crise. Et je suis perdu, c'est que mon cœur est sous l'emprise. On se rappelle des soirées à rire, taper des barres. Tu préférais fuir et me haïr en faisant du scar. On parlera de s'aimer, de vivre à la mort. On vivra peiné, je me soucie plus de mon sort. J'ai vécu la merde, Dieu merci, ça va mieux. On vivra l'enfer, mais ça passera mieux à deux. L'aimer à la mort, c'est ce que j'ai promis à ma mère. De l'aimer, peu importe si je m'en sors. L'aimer à la mort, quoi qu'il arrive, je t'amène. Je suis le seul qui guérira mes torts. Je t'ai dans les veines, pardon faire de la peine. Quoi qu'il arrive, tu resterais le même. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime. Faire taire les égaux, les équivaux des rivaux. Mon arme, un stylo, braqué comme en philo. J'ai filé décimé par les histoires, les rancunes. Les plans meufs, les histoires, les cons des ridicules. Mon ciel étoilé, mon récital est plein. La flasque fausse la voilée quand tes espoirs sont éteints. J'ai côtoyé les morts traînés comme un fossoyeur. Faux, ça y est, tu penserais pourtant que ça serait mieux ailleurs. Les consommateurs esquivent, coursés par les contrôleurs à contre-coeur. J'ai baissé la tête, levé hall majeur. J'ai vu les halls sales, le holster omniprésent. Refrain gangster, si t'es à terre, on te descend. Ton hystérie est cupide, on t'enterre avec Cupidon. Je suis relatif dans tes défauts, je ressors que du bon. J'ai fait la part des choses, mais t'as croqué ma part. Je cours derrière la vie qui, elle, m'a menti dès le départ. L'aimer à la mort, c'est ce que j'ai promis à ma mère. De l'aimer, peu importe si je m'en sors. L'aimer à la mort, quoi qu'il arrive, je t'amène. Je suis le seul qui guérira mes torts. Je t'ai dans les veines, pardon faire de la peine. Quoi qu'il arrive, tu resterai le même. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime. Peu importe d'être lassé, j'ai corrigé le passé. Quand nos fous rires sont noués par les cris. Peu importe la distance, souffrir ton absence. Oui, c'est vrai, pour toi je donnerai ma vie. J'ai souffert, papa est parti. Sous tes pieds se trouve le paradis. Peu importe où tu iras, on partira ensemble, on survivra. On créera l'engouement, on avancera doucement. On vivra nos dévouements, on s'aimera tranquillement. On parlera sur le divan, on se laissera guider que par le vent. Peu importe qui s'amène, ensemble toute la semaine. La réussite sous mes semelles, le bonheur dans tes prunelles. Tu me suivras, on vivra, peu importe où on ira. On saignera, on s'aimera, demande à Rila. L'aimer à la mort, c'est ce que j'ai promis à ma mère. De l'aimer, peu importe si je m'en sors. T'aimer à la mort, quoi qu'il arrive, je t'amène. Je suis le seul qui guérira mes torts. Je t'ai dans les veines, pardon faire de la peine. Quoi qu'il arrive, tu resterais le même. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime. Oui, c'est vrai, maman, je t'aime.